gémit le vent. Mais tout est calme au-dedans. Dors, dors, petit enfant, un jour tu seras le plus grand. Le souffle du firmament a donné sa force à présent. Dors, dors, petit enfant, un jour tu seras le plus grand. Le feu s'embrase en riant dans le cœur des braves gens. Dors, dors, petit enfant, un jour tu seras le plus grand. La la la la.